Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. C'est la chronique de la Ligue américaine de hockey avec la Ligue nord-américaine avec Gilles Péloquin. Salut Gilles! Hey, bonne journée! Gilles, est-ce qu'il neige par chez vous? Est-ce que ça a commencé? Oh, il y a beaucoup de neige et on va en recevoir entre 20 et 30 cm au cours des 24 prochaines heures. C'est la première fois qu'il y a de la neige au sol qui reste. On n'en avait même pas encore hier lundi. Donc, il va y avoir un beau Noël blanc dans les cantons de l'Est et c'est le pays de la motoneige. On est très heureux de ça. Ben oui, effectivement. Au Saint-Lac-Saint-Jean, c'est pas commencé encore, mais ça devrait pas tarder. Gilles, je veux te revenir sur parce que je t'ai pas rappelé la semaine passée, il n'y a pas eu de chronique parce que j'ai présenté finalement l'intégrale de l'émission que Michel Tifot a fait dans le vestiaire avec Dominique Bodjic, avec le commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey. Beaucoup de choses qui ressortent de ça. Selon moi, ça prend, il a dit que ça prenait une expansion. Est-ce que finalement, est-ce qu'on va peser sur l'accélérateur ou la priorité vraiment là, c'est de consolider les franchises? Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que et ce que Richard Martel a dit dans l'entrevue, c'est que ça n'a pas été beaucoup renouvelé là, l'assistance dans la Ligue nord-américaine. Puis à quelque part, si y a une baisse à quelque part, c'est qu'on n'a pas travaillé là-dessus beaucoup au cours des dernières années. Une chose qui est sûre, c'est qu'encore aujourd'hui, j'ai publié tôt ce matin les assistances pour la première moitié de saison et après 48 des 104 matchs, parce que le 50e va être présenté lors de la soirée de vendredi entre Sorel et Rivière-du-Loup. On a des baisses qui s'accumulent d'une vingtaine de spectateurs moyennes des six équipes de la Ligue au cours des six dernières semaines. On attendait la première neige officielle, elle est là aujourd'hui. On a eu plusieurs prétextes qui ont été mentionnés, chasse, beau temps, jouer le jeudi soir, le samedi après-midi, etc., les parties du temps des fêtes, ajoutez-en des possibilités. Moi, je pense que cette Ligue a eu un virage. Elle a, en ce moment, ce virage. Il est drastique à 360, pas lentement, mais total, de dire on veut du jeu comme on le connaît en ce moment, des matchs joués dans les 2h15, 2h20, et non plus 2h45 avec débordement, trop de bagarres dès le début à 2, 8, 10 secondes. C'est arrivé une fois seulement cette année, à date, en 48 matchs, et ça n'a pas payé parce qu'il y a eu des suspensions qui ont été données par la suite. Donc, il y a un virage qui est tellement fort, ça plaît à plusieurs, à 66%, ça déplaît à 33% à des fans fanatiques qui aimaient ce genre de hockey et qui n'ont pas débarqué de ça. Donc, où on se situe, ça ne vient pas tout de suite, ça ne vient pas tout seul, ça va prendre un an, deux ans. Il faut, oui, tu as raison, d'emblée, consolider des franchises. Ça semble bien aller du côté de Saint-Georges, c'est bien à Fairford, c'est bien à Rivière-du-Loup, Jonquière, Sorel-Tracy. Il y a le gros point d'interrogation pour Rivière. Ça ne cesse de baisser. Pourtant, il y a du hockey meilleur que les trois dernières années. Une équipe qui est bien orchestrée avec de bons entraîneurs, de bons choix de repêchage, de bonnes transactions en début de saison, mais il y a ce manque de spectateurs et on ne sait trop pourquoi. Bon, il faut rappeler aux gens aussi que le secteur de Trois-Rivières est un secteur névralgique. Il y a 9 équipes de hockey de 5 circuits différents à 40 km de rayon de Trois-Rivières. Ça y fait pour beaucoup ça également parce que les gens, et dans cette partie, la Mauricie pour le Québec, il y a quand même aussi beaucoup de chômage. Donc, un soir, est-ce que tu paies 8 pour aller voir à deux ou trois villes près de Trois-Rivières, du Seigneur Trois, où on va se battre, ce qu'on aime encore, ou si on veut voir du beau hockey universitaire à 10$ ou à 15$, Ligue nord-américaine, ou Midget 3A à 10, ou même junior majeur à 14 ou 16. T'as ton choix, mon ami, il y en a pour tous les fines bouches. Qu'est-ce que tu choisis? Alors qu'à Rivière-du-Loup, il n'y a qu'un hockey. À Jonquière, à Deptford, à Sorel-Tracy. Peut-être une deuxième équipe. Elle peut être collégiale ou midget 3, mais ça s'arrête là, ou junior majeur. Mais c'est pas le cas, Trois-Rivières. Moi, je pense qu'on se doit, Danny, de consolider ou espérer consolider. Puis c'est ce qu'on peut faire en deuxième moitié de saison, parce que si tu parles expansion, elle peut venir, mais elle va venir qu'une fois, l'an prochain. Donc, moi, je pense qu'on vise beaucoup, là, à lire en coulisses. Je suis pas dans le secret des dieux, soit-il dit en passant, et le commissaire Richard Martel n'aimait que ses commentaires et directives qu'à ses 6 propriétaires. Soyez assurés qu'il n'y a pas un journaliste, et même si je suis près de la Ligue nord-américaine avec le hockey sur le télé et le web diffuseur, soyez assurés que j'en sais pas plus et j'apprends comme vous autres. Okay. Mais à lire ce que je lis, je pense que la région de Québec, la région de l'ancienne Lorette ou Lévis serait un choix logique pour 2018-19. Et il y a une autre région aussi qui est dans celle de Saint-Jean, La Prairie, Saint-Jérôme, cette partie-là également de l'est ou l'ouest de Montréal qui peut être bénéfique également. Parce qu'à ne pas se tromper, si on veut avoir les médias nationaux, et je pense Le Soleil, le Journal de Québec d'un côté, ou le Journal de Montréal et la presse même sur Internet maintenant de l'autre, il faut premièrement mettre les matchs à 20h, enlever le 20h30 le vendredi à Thetford, peut-être même aller, si possible, seulement le jeudi à 19h30 et le samedi, mais le vendredi 20h pour se permettre les grands quotidiens. Et en même temps, on a déjà la région du Saguenay avec Jonquière, on a la région Mauricie avec Trois-Rivières. Il nous manque le fleuron de l'Estrie. Il faut revenir dans ce coin-là. Grimper, Magog, il faut trouver une possibilité d'une ville. On a la région de Montréal, donc ça peut être sur la rive sud ou dans le coin de Laval ou Saint-Jérôme. Et il faut aussi tenter peut-être un jour d'aller du côté de l'Outaouais, dans la région de Turceau, la région de Hull, de Gatineau. Ramener là aussi une équipe parce que ça passe par les marchés où il y a 3 diffuseurs télé, 2, 3, 4 diffuseurs radio et un grand quotidien comme le quotidien au Saguenay ou le journal Le Nouvelliste à Trois-Rivières. Tant qu'on n'aura pas renouvelé avec ces marchés d'antan qui a marqué l'époque des belles années de la Ligue nord-américaine, oublions ça. Et tu en parlais tantôt. Oui, suite à l'émission que vous avez entendue, j'ai préparé d'ailleurs, et j'ai pas honte de le dire, les notes que Richard Martel s'est servi sur les 10 dernières années. Il n'y a eu qu'une seule ville qui est arrivé dans la Ligue, c'est Valleyfield. Toutes les autres ont été des villes qui sont revenues. Windsor avait acquis Sherbrooke en 2011, mais revenait de 96 à 2000. On a eu, par exemple, Laval, qui revenait d'une dizaine d'années d'absence quand Valleyfield, en mi-saison, a changé et est allé de ce côté. Cornwall, c'est une équipe qui a fait que quelques saisons et qui, venant cette concession de Windsor suite à ce départ de Sherbrooke parce qu'on est arrivé avec le junior majeur il y a 5 ans passés. Donc, dans les faits, on a eu 8 villes qui ont comme changé, mais une seule était nouvelle Valleyfield, alors que les 7 autres étaient des retours d'anciennes équipes, d'anciennes villes. OK. Dis-moi, je vais te nommer 2 villes, Edmundston au Nouveau-Brunswick. Est-ce que ça pourrait être d'un carton et également, quelle autre ville aussi? La ville aux États-Unis, là, on avait entendu parler d'une ville aux États-Unis. C'est sûr que si tu vas aux États-Unis, faut que tu nous emmènes d'autres, là, parce que faut qu'il y en ait d'autres qui arrivent pas longtemps après. Ça, est-ce que c'est dans les cartons ou on oublie ça? Je ne sais pas où est rendu ce dossier au niveau américain, mais c'est sûr qu'avec les restructurations aux douanes américaine et canadienne, ça peut faire problème. Mais il faut vérifier ce qui se fait aussi avec la Ligue fédérale, parce que la Ligue fédérale joue également au Canada et aux États-Unis. Donc, comment on passe aux douanes? Comment ça se fait rapidement ou pas? C'est à vérifier. Quand tu parles d'États-Unis, c'est évident que tu te dois d'arriver avec 2 et non pas une seule concession. Clair. C'est un peu le plan du junior majeur. Jamais Gilles Courteau va accepter qu'une seule franchise quittent les Maritimes pour revenir dans le Québec. C'est deux ou pantoute. Ouais, effectivement. Parce que tu ne peux pas avoir un 5, un 3. Ça doit être 4 ou 6 équipes toujours dans la division qu'on appelle Maritime. Pas d'impair, toujours des pairs. Donc, c'est la même chose. Berlin, on peut revoir le portrait et revérifier parce que ce que j'ai vu d'amphithéâtre, ce que j'ai su en parlant avec deux gens de médias là-bas, c'est un amphithéâtre qui peut amener un bon public et un 1500 spectateurs assurés. Donc, ça peut être un plus-value. Il y a Lewiston, qui a déjà connu une union majeure au Maine, et c'est un endroit qui est à 40% francophone d'anciens Québécois qui ont immigré là. Donc, ça peut être un avenue possible également. Il y a aussi, du côté de l'Ontario, à défaut d'avoir perdu Cornwall, on avait une certaine époque parlé de Rockland. Est-ce que Rockland est toujours intéressé? Ça, c'est un travail de commissaire. C'est un travail d'aide aussi venant de deux ou trois dirigeants qui vont être d'un comité ou de personnes qui vont être nommées par le commissaire. Exemple, Danny Veilleux et Gilles Péloquin, vous êtes mandatés par les six propriétaires. Allez rencontrer les autorités de la ville à Rockland. Allez rencontrer le hockey mineur. Allez rencontrer quelques commanditaires notables. Êtes-vous prêt à payer une concession? 25 000. Êtes-vous prêt à mettre un 25 000 de bon de garantie? Êtes-vous prêt à donner un dépôt de 5 000 pour un cahier de charges? Quand même pas cher, en tout cas. Donc, oui, parfait, il y a un sérieux. Et à ce moment-là, ben tu peux aller chercher des villes extérieures. Moi, je pense qu'à long terme, 5 ans, on pourrait avoir 2 villes américaines, on pourrait avoir 2 villes ontariennes, et on pourrait avoir peut-être 2 à 4 villes québécoises. Et à ce moment-là, tu pourrais avoir 12 équipes, 2 sections, qui pourraient être 3 de 4 ou 2 de 6. Et là, il y aurait beaucoup plus de matchs joués. Et en même temps, on ne verrait moins souvent les équipes comme on les voit en ce moment. Et ça, ça fait peut-être partie du manque d'assistance. Parce que quand vous avez déjà, je vous donne un exemple, en février, un calendrier que je regardais ce matin pour préparer les matchs Téléweb, les 12 prochains, parce qu'on est à la mi-saison, on en a déjà 12 de présentés. 2 vendredis de suite, Sorel va aller à Trois-Rivières. Il y a eu, exemple à Jonquière, Sorel y est allé une seule fois et va y aller 2 fois dans les 3 prochaines semaines. Par exemple, le 6 et le 19 janvier. Et il y a eu des matchs comme ça où on a déjà 4 affrontements avec Trois-Rivières dans les 12 premiers de la saison pour Sorel Tracy. Tu avais joué qu'une fois, par exemple, l'équipe de Saint-Georges. Il y a des choses assez bizarres dans ce calendrier, faute d'équipe 6 et à 36 matchs. Donc, je pense qu'on se doit de... Et si tu as plus d'équipes, comme tu le mentionnes, et plus de concessions, ben, c'est évident que c'est plus facile et plus d'attrait pour aller chercher des commanditaires majeurs. Oui, effectivement, effectivement. Bon, on va y aller avec les joueurs de la semaine maintenant dans la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, du côté, c'est donc les 3 étoiles de la semaine. La première étoile, c'est Mathieu Dugard, du coup, de Saint-Georges-de-Beauce. Première étoile, moyenne de 930 pourcentage d'efficacité. Donné seulement que 3 buts à 43 lancés. Le cours, là, c'est-tu, moi, ça se replace pas mal à Saint-Georges-de-Beauce, là, depuis que... Ça se replace très, très bien au niveau de distance. On tourne autant plus que 1000. On a 1006 de moyenne dans les chiffres d'aujourd'hui. Et au niveau équipe, oui, il se replace très bien avec les transactions qu'ils ont faites. Dugard, coïncidence, était un choix de Mario Roy pour ce match, un premier en 8 à domicile cette saison pour lui, parce qu'il est dans l'ombre d'Adam Russo. C'est un peu comme Carey Price avec Miami ou Montoya, là. C'est la même chose. Donc, Dugas a joué pour la première fois de l'année à la maison et contre son ancienne équipe, qu'il a battu pour une deuxième fois en 2 ans, Sorel Tracy. Et il a très bien fait. Et c'est lui qui est allé chercher les 2 gros points, qui a volé le 2e point aux Éperviers dans ce match. Il la mérite. Je sais que la 2e étoile, c'est aussi un gardien de but. Cette saison, il y a d'excellents gardiens de but dans la Ligue. Ben effectivement. Donc, la 2e étoile, c'est donc Marc-Antoine Gélinas des Travailleurs de Trois-Rivières. 29... Et tu vois, oui. Et comme tu le dis, là, tu le vois, tu as 2 gardiens de but des 2 équipes de 5e et 6e place. Effectivement. Et c'est pas parce que les gars font pas le travail. C'est que la problématique de Trois-Rivières et de Saint-Georges, il leur manquait en cette première partie de saison là un petit quelque chose où ils perdent par un but, où ils ont de la difficulté à gagner par un but. Et tôt ou tard, là, ça va éclore. Et il y a des équipes, Jonquière a perdu 3-2 à Trois-Rivières. Gélina méritait d'emblée cette deuxième étoile. On n'a peut-être pas pris au sérieux Trois-Rivières en disant on va les avoir. Et ça a été une défaite pour Thetford, là, qui a causé leur chute en deuxième place et redonné pour la troisième année de suite, presque au fait, là. Ça va être comme du papier carbone collé. Jonquière en première place dans la Ligue nord-américaine en saison régulière. Puis la troisième étoile vient. C'est la révélation. C'est Bourette, hein? Ouais, c'est ça. Oui, André Bouvet-Morissette, je le vois dans ma soupe, je le vois plusieurs matchs, soit-il dit, 15 depuis le début de la saison, avec Sorel Tracy. Ce gars qui arrive de nulle part, étudiant universitaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, est employé par son entraîneur, Danny, 20-22 minutes par match. Mm. Toutes les équipes le voudraient. C'est un grand gabarit de 6 pieds 4. Excellent marqueur, excellent passeur. Il sait vraiment comment œuvrer et comment travailler avec sa formation. Donc, c'est magique ce qu'il fait. Et c'est un gars qui a 7-8 lancés par match, 7-8 mises en échec, est employé en désavantage numérique, en avantage numérique. Et il joue très, très bien et c'est magique ce qu'il fait. OK. Gilles Péloquin, la voix de la Ligue nord-américaine de hockey. On se reparle la semaine prochaine. Merci à toi, puis passe une excellente semaine. Le descripteur des matchs des éperfiers de Sorel, Gilles Péloquin.